Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, alors, nous continuons après ces vacances. Le dernier séminaire sera probablement sur le piégeage, le refroidissement de membranes par laser, dans l'idée de faire un hypertélescope spatial qui puisse fonctionner dans l'infrarouge lointain. Bon, alors, je vais encore parler de mieux voir les étoiles, etc. Et aujourd'hui, de hypertélescope spatial à miroir piégé par laser. J'en avais déjà parlé un petit peu l'an dernier, mais ça a avancé depuis. Je vais essayer de préciser les choses. Et nous aurons un séminaire de Pascal Petit de Toulouse sur l'activité magnétique des jumeaux solaires, avec l'espoir que les nouveaux hypertélescopes permettront de voir les taches magnétiques sur ces planètes. Enfin, pour l'instant, c'est encore lointain, mais il y a déjà quelques résultats intéressants dont va nous parler Pascal Petit. Bon, alors, j'ai parlé beaucoup des projets d'hypertélescope au sol. Maintenant, il s'agit de voir ce qu'on peut faire dans l'espace, qui est par certains côtés plus facile qu'au sol, et par d'autres côtés plus difficile. Bon, le but lointain étant d'obtenir une image d'une Terre située à, par exemple, 10 années-lumière, qui serait de cette qualité. Qualité suffisante pour essayer de chercher de la vie sous forme de taches vertes, ici, par exemple. Et aussi de taches vertes qui peuvent apparaître dans les océans au printemps sous forme de floraison de microalgues, comme ici, dans le golfe de Gascogne. Vous avez l'Espagne ici, vous avez la France là, et vous avez, pendant quelques jours ou quelques semaines, ce genre de phénomène qui apparaît. Et qui pourrait, du moins sur le papier, être décelable à des distances de dizaines de lumières avec les nouveaux instruments dont nous parlons. Bon, alors je résume rapidement les fois précédentes. Donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi la synthèse d'ouverture avec un petit nombre de grandes ouvertures en interférométrie est médiocre comparée à ce qu'on peut faire avec des ouvertures plus petites et plus nombreuses. Bon, la raison fondamentale est que lorsqu'on travaille ainsi avec un petit nombre de grandes ouvertures, on fait plusieurs observations en déplaçant les ouvertures pour avoir différentes fréquences de Fourier constituant l'image. Mais c'est un processus inefficace parce qu'on combine les données des observations successives, on les combine de façon incohérente. Bon, alors que si on fait une seule pause avec des ouvertures petites et nombreuses, toutes cohérentes, on a une addition cohérente des vibrations, ce qui crée une fonction d'étalement beaucoup plus favorable avec un pic très haut qui émerge beaucoup mieux du fond des lobes latéraux. Bien, et j'avais montré quelques simulations pour expliquer ça. Là, vous avez deux ouvertures qui vous font des interférences qui ressemblent à ça, en lumière blanche, une frange centrale ici. Si on fait une pause sur un objet compliqué, voilà un objet pas très compliqué, il y a combien ? Il y a 3 étoiles, là, je crois. Si on fait une pause, on ne voit pas grand-chose. Mais si on fait plusieurs pauses en faisant tourner, par exemple, l'ouverture, et qu'on ajoute les images, l'image commence à sortir. Est-ce qu'on la voit ici? Non, on ne la voit pas, je ne l'ai pas représentée là. Ce que j'ai représenté, c'est la fonction d'étalement, c'est-à-dire l'image d'une étoile, et on voit que cette fonction d'étalement a bien un pic. Autrement dit, en faisant tourner cette chose-là, ça crée un pic à l'endroit ici, ça crée un pic et un fond plus ou moins lisse, mais ce pic dépasse seulement d'un facteur 2 du fond, ce qui est pas très bon comme fonction d'étalement, et donc dès que l'objet est un petit peu compliqué, on se retrouve avec un fond continu très intense et très peu de signal dans les pics. Bon, s'il y a 3 ouvertures, c'est un petit peu mieux. À ce moment-là, les interférences ressemblent à ça, du nid d'abeille, avec un globule central quelque part ici, blanc, qui doit être là. C'est un petit peu mieux, on a un contraste légèrement meilleur dans la fonction d'étalement, le pic dépasse un peu mieux, et donc on a une qualité d'image un peu meilleure sur un objet complexe, mais on ne peut toujours pas regarder un objet très compliqué. Bon, si on a une trentaine d'ouvertures comme ici, on voit que c'est nettement mieux. Vous avez le 1 ici, vous avez le halo de la fonction d'étalement obtenu par rotation, qui est beaucoup plus bas par rapport au niveau du pic. Et c'est là tout l'avantage d'avoir des ouvertures nombreuses. Et si on met 1000 petites ouvertures, c'est encore bien meilleur. Et à ce moment-là, on peut commencer à regarder des objets complexes. Bien, alors j'ai expliqué aussi ce que c'est que l'hypertélescope. En gros, un interféromètre FISO comme ceci, avec un petit gadget qui reprend l'image pour l'envoyer sur la caméra ici en densifiant les faisceaux, de sorte que vu de la caméra, l'ouverture ressemble à ça, alors que vu de l'étoile, elle ressemble à ça. Bon, et ce gadget fait un miracle en ce sens qu'il intensifie l'image, éventuellement énormément, par exemple un facteur 1 million ou 1 milliard dans les cas de figure dont je vais parler tout à l'heure. En fait, on arrive à concentrer toute la lumière de l'étoile dans un pic central, bien que l'ouverture soit très diluée et que l'ouverture comme ceci aurait tendance à étaler énormément l'énergie dans un très grand nombre de pics de lobes secondaires. Bon, je parlerai la fois prochaine, par exemple, du cas extrême où on essaierait de former une image d'une étoile, une étoile à neutrons, avec des miroirs espacés de 100 000 km pour avoir suffisamment de résolution, parce que ce sont des objets extrêmement petits. Et si on ne densifiait pas, ce serait infaisable. Par contre, si on densifie la pupille comme ceci, on intensifie l'image d'un facteur 10 puissance 14, ce qui est toujours bon à prendre, et ça permet, en principe, d'obtenir une image directe de l'étoile à neutrons. Donc, ce gadget ne modifie pas l'ouverture d'entrée, rétrécit le halo de diffraction, concentre sa lumière dans le pic d'interférence et intensifie l'image qu'il forme. Bon, et nous avons essayé de modéliser un peu ça, et notamment le gain en science qu'apporte ce genre de système. Bon, l'expression de ce gain est là, elle n'est pas très simple, mais on voit, si on fait des courbes, on peut représenter quelque chose qui indique la quantité de science que produit l'instrument, ce qui n'est pas très facile à définir, et en fonction du diamètre des petits miroirs à surface collectrice donnée. C'est-à-dire qu'on raisonne en disant on prend soit des petits miroirs nombreux, soit des grands miroirs pas nombreux, à surface collectrice constante, puisqu'en gros, ça représente le prix de l'instrument. Surface collectrice, pas tout à fait, enfin, ça dépend de la technologie. Bon, et la réponse est que, par exemple, si on passe de là à là, on gagne des facteurs 100 ou 1000 en quantité de science qu'on peut faire avec l'instrument. Bon, j'ai mentionné aussi les possibilités terrestres pour faire des hypertélescopes, différentes façons, différentes architectures possibles, à plat par exemple comme ceci, avec des lignes à retard, en essayant de faire un espèce de filet au pôle sud portant plein de petits miroirs et qui serait pointable et qui serait parabolique, ou bien en sphérique, en trouvant un site creux, un trou, une cuvette, un cratère, qu'on tapisserait le plus grand nombre possible de miroirs et qui focaliserait sur une caméra située ici. On aura donné le nom de cette fleur qui s'appelle Carlina. Et puis, il y a des solutions avec des fibres optiques. Il y a quelques essais d'interférométrie à travers des fibres optiques qui ont été commencés par notre collègue Guy Perrin à Hawaï, entre les grands télescopes qui sont installés sur le cratère de Mauna Kea. Et on pourrait imaginer relier tous les télescopes par fibre optique pour faire de l'interférométrie, mais ça nécessite des grandes lignes à retard qui sont des choses très coûteuses et très encombrantes. Et c'est ça qui limite le nombre d'ouvertures si on utilise des grands télescopes, si on utilise ce genre de géométrie. Bon, enfin, en gros, le principe de la combinaison par fibre optique, c'est qu'on prend un certain nombre de télescopes, par exemple, chacun envoie la lumière dans une fibre optique. On rassemble ces fibres optiques près de la caméra ici. On s'arrange pour qu'il ait exactement la même longueur de trajet depuis l'étoile jusqu'à la caméra par tous les chemins, au micron près, si c'est possible. C'est pas très facile, mais c'est possible. Et cette sortie ici se comporte un petit peu comme une pupille densifiée. Et on peut obtenir ici un pic d'interférence produit par l'interférence des faisceaux. Et donc, si l'étoile est double, par exemple, on aura deux pics, et ainsi on forme une image directe. Mais là, évidemment, encore, il faut des lignes à retard, et à cause de la rotation de la Terre, et les longueurs des trajets changent. Et si on est dans l'espace, il y a un autre problème, c'est que les fibres dans l'espace, ça ne marche pas très bien. Il y a les rayons cosmiques qui font de la fluorescence et de l'effet Cherenkov. L'effet Cherenkov, c'est une espèce d'onde de choc optique induite par les particules dans les fibres, si les particules vont plus vite que la vitesse de la lumière dans les fibres. Et donc, ça perturbe. Des essais avaient été faits par les collègues de l'Observatoire à Grasse, qui ont vérifié qu'on arrivait à produire des franges à travers des paires de fibres. Et puis ici, en combinant directement en mode hypertélescope avec l'équivalent de quatre grandes ouvertures, ils obtiennent la tâche des rayons attendue, ce qui prouve que ça marche. Ça marche à condition de tout mettre en phase. Là, tout était mis en phase grâce à un système d'optique adaptative un peu assez sophistiqué. Donc le principe marche. Bon, et puis alors la voie sphérique, ça ressemble à ça. Vous tapissez, mettez le plus possible de miroirs sur une cuvette aussi sphérique que possible. Vous mettez une caméra sur la surface focale de la sphère, qui est à mi-chemin du centre de courbure, et vous formez une image d'une étoile. Puis si vous avez une autre étoile bleue, vous pouvez mettre une autre caméra et en fait observer autant d'étoiles que vous voulez en même temps, indépendamment, ce qui est intéressant. Et je vous ai dit que les radioastronomes avaient donné l'exemple depuis combien, 50 ans, sous la forme du radiotélescope d'Arecibo, qui utilise une cuvette naturelle avec un détecteur, plusieurs détecteurs, deux détecteurs ici sur la surface focale. Et que maintenant, il s'agit d'essayer de faire la même chose en optique. Nous avons repéré un certain nombre de sites, dont celui-ci, qui n'est pas sphérique, mais qui permettrait de faire presque aussi bien si on observe l'étoile près du transit. Nous y avons fait quelques essais l'été dernier, en tendant un câble en travers, en suspendant une nacelle et en mesurant les oscillations de cette nacelle avec un petit télescope. Ici, vous voyez un membre de l'expédition ici, il y en avait 5 comme ça. Et nous en arrivons à l'espace, qui est bien sûr extrêmement excitant comme endroit pour mettre ce genre d'instrument. Après le télescope Hubble et son successeur JWST qui doit voler bientôt. L'idée de d'utiliser des flottilles, alors bien sûr on peut faire des structures rigides dans l'espace. Il y a un projet NASA de faire un engin qui s'appelle SIM, nous avions proposé il y a longtemps un engin qui s'appelait Flute, qui est une structure rigide. Et puis ensuite je me suis rapidement aperçu qu'il valait mieux envisager des télescopes séparés, flottant librement, enfin librement, pas si librement que ça, parce qu'ils sont pilotés de façon très précise. Alors, a priori, ça paraît plus acrobatique que d'avoir une poutre qui porte des miroirs. Seulement une poutre, si elle est petite, ça va, mais si elle est grande, si elle fait 100 mètres, il faudra au moins 100 mètres. Si elle fait 100 mètres, elle ne sera pas si rigide que ça. Elle va fléchir. Quitte à ne pas être rigide, est-ce que ce n'est pas plus commode d'avoir carrément des satellites indépendants quand on essaie de piloter de façon précise? Bon. Alors, donc nous avions proposé à l'époque un schéma qui s'appelait Trio, Et puis ensuite, des collègues, Léger Mariotti, ont repris ça et ont proposé ce qui s'appelle Darwin à l'Agence spatiale européenne, qui a été étudié de façon très, très approfondie par l'Agence spatiale européenne, et qui comportait plusieurs, 6 ou 7 télescopes, lesquels envoient tous leurs rayons de lumière vers une station centrale. Ben, ça, c'est la station centrale, il y a 6 télescopes autour. La station centrale reçoit les 6 faisceaux renvoyés. Et c'était prévu pour marcher dans l'infrarouge et pour détecter des exoplanètes. Bon, mais l'Agence spatiale européenne a repoussé tous les projets d'interférométrie dans l'espace parce que c'est trop compliqué pour eux, trop difficile. Ils disent que ça se fera peut-être un jour, mais ils ne sont pas prêts. Bon. Et du côté NASA, la NASA avait envisagé une version, une espèce de copie de Darwin. Et nous avions proposé une version hypertélescope qui s'appelait EED, Exo-Earth Discoverer. Bon, mais ça, c'est suspendu aussi. Les collègues qui observent l'infrarouge lointain, le groupe de John Mazer, qui a eu récemment le prix Nobel pour avoir découvert le fond de ciel, enfin mesurer le fond de ciel infrarouge cosmologique, propose un interféromètre infrarouge lointain et submillimétrique comportant 2 télescopes refroidis à l'hélium liquide. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'au bout d'un an, il n'y a plus l'hélium liquide, s'est évaporé et que ça tombe en panne. Bon, et nous avons proposé à nouveau à l'ESA et une version plus évoluée de ça, qui s'appelle Luciola, qui a aussi été repoussée au calendrier grec, et qui comportait une série de petits télescopes grands comme ça, pilotés par des petites voiles solaires. Ça, c'est pas ce miroir-là, c'est pas le miroir du télescope, c'est le miroir de la voile solaire. Bon, j'en avais parlé les années précédentes. Enfin, en gros, la question, c'est que ces systèmes-là où il faut piloter une armada de petits télescopes, c'est très complexe. Il faut mesurer leur position de façon très précise. Et c'est pas facile. C'est déjà très difficile au sol. Les interféromètres au sol ont la réputation d'être très difficiles à construire et à utiliser. J'ai entendu les collègues américains se lamenter que leur système était trop complexe. Et nous avons eu même, nous-mêmes eu ce genre de problème. Donc la grande question, c'est comment simplifier ? Alors, le Luciola, c'était donc un miroir presque plan, qui renvoie la lumière de l'étoile vers une caméra. Il y en a un certain nombre comme ça. Et ça, c'est une petite voile solaire qui ressemble à un télescope casse-grain qui vise le Soleil et qui arrive à s'en servir pour extraire des forces par pression de radiation, des forces et des couples pour promener en XYZ et pointer le système. Bon, on avait fait une maquette pour tester ça en laboratoire. Et ça semblait intéressant parce que ça évitait les inconvénients des fusées et des moteurs ioniques qui sont que les gaz s'épuisent et polluent les miroirs, vont se mettre sur les miroirs. Alors, pour piloter de telles flottilles dans l'espace, on a envisagé des micro-fusées, mais ce n'est pas très fiable et ça ne dure pas très longtemps. Des moteurs ioniques, ça marche pas mal, mais ça consomme pas mal d'énergie aussi. Et puis la réserve de mercure ou autre matériaux qu'on éjecte sous forme d'ions est limitée. Et ces micro-voiles solaires. Mais dans tous les cas, il faut mesurer finement les positions et attitudes des miroirs, ce qui est compliqué. Et il faut piloter les 5 degrés de liberté par satellite, ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins 5 fusées. Tout ça est vulnérable aux micrométéorites. Une fois par an, vous risquez d'avoir une poussière qui percute et qui pointe tout, qui dépointe tout. Et nous avons regardé une autre possibilité qui est de faire du piégeage laser. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on prend des miroirs très petits, par exemple 3-4 cm, gros comme ça, Ce qui tombe bien parce que j'ai montré tout à l'heure qu'il vaut mieux des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux. Et on gagne encore si on prend des miroirs très petits. Et bien sûr, un avantage des miroirs très petits aussi, c'est que du coup, ils sont minces. Ils sont très minces. Et du coup, il y a moins de masse à emmener dans l'espace. Et donc, on fait des économies de ce point de vue-là aussi. Bon, enfin, en gros, l'idée, c'est qu'on prend un miroir gros comme une lamelle de microscope, en gros, soit rigide par lui-même, à ce moment-là, il faut que ce soit suffisamment épais pour être bien rigide, soit une membrane tendue sur un câble, comme celle-ci. Ça, c'est un petit miroir du commerce qui est une membrane très mince en collodion tendue sur un câble polyoptiquement. Et traité, couvert d'une couche d'aluminium ou de couche d'électrique. Et c'est utilisé en optique, ça marche bien. Et donc on prend des éléments comme ça, et on envoie deux faisceaux de laser, ça c'est l'onde d'un des lasers, ça c'est l'onde de l'autre. En fait, ils viennent du même laser et ils sont cohérents. Et l'interférence de ces deux faisceaux produit des interférences sous forme d'ondes stationnaires. Et la membrane tend à se piéger dedans par effet de pression de radiation. C'est lié au même effet qu'utilisent maintenant les biologistes pour piéger des bactéries avec un rayon de laser et pour les balader sous le microscope. C'est très amusant. En gros, c'est le même genre de phénomène. Alors, il y aurait évidemment un grand nombre de miroirs comme ça, donc si on est à côté dans l'espace, ça ressemblerait à ça, on verrait tous ces miroirs, qui chacun reçoivent deux faisceaux de laser, ici ils sont rouges, tout à l'heure ils étaient bleus, maintenant ils sont rouges, et puis en jaune, là c'est la lumière de l'étoile. Alors la lumière de l'étoile, elle serait réfléchie par chaque miroir, et tous les rayons, ils restent vers la caméra qui est très loin là-haut. Alors, vu de près, voilà en couple le petit miroir. Et ça peut être un morceau de verre couvert d'une couche mince semi-réfléchissante et non absorbante. Vous savez, quand on met des couches minces sur du verre, il y a plusieurs sortes de couches. Il y a les couches en métal, en aluminium par exemple. Qui peuvent être assez bien réfléchissants, jusqu'à 85%, mais qui sont aussi absorbants, ce qui n'est pas réfléchi est absorbé par l'aluminium. Bon, et puis vous avez d'autres sortes de couches qui sont les couches dites diélectriques, c'est-à-dire non métalliques, et qui, elles, sont pratiquement sans absorption. Ce qui n'est pas réfléchi est transmis. Donc si on envoie un laser très fort dessus, ça ne chauffe pas. Alors que si c'est un miroir en aluminium, ça chauffe le miroir. Bon, alors là, ce serait mieux d'avoir des couches diélectriques. Et ça peut réfléchir 50% de la lumière. Alors vous avez un rayon de laser qui arrive là, il y a la moitié qui est réfléchie ici, et la moitié qui est transmise ici, et pratiquement zéro qui est absorbé. Bon, de l'autre côté, vous avez l'autre rayon laser, qui lui aussi est à moitié réfléchi, à moitié transmis. Bon, et ces deux rayons qui sortent, là, interfèrent. Et comme la séparatrice, la lame est supposée bisecter exactement les deux rayons, par raison de symétrie, l'interférence est plate. C'est-à-dire qu'il y a une seule interférence, il y a le même état d'interférence partout. On a des franges étalées. Bon. Et la même chose de l'autre côté. Alors on voit que si on déplace la lame, par ici par exemple, eh bien le rayon transmis, ça ne change pas sa phase. Par contre, le rayon réfléchi ici va être retardé, parce qu'il va falloir qu'il fasse un trajet plus grand. Bon, donc la phase du réfléchi est sensible à la position de la séparatrice et de la lame, et par contre la phase du rayon transmis n'est pas sensible. Bon, de sorte que si on déplace la lame, et l'état d'interférence entre ce rayon-là qui n'est pas affecté par le mouvement et ce rayon-là qui est affecté par le mouvement va changer. Bon, de sorte qu'il va y avoir des positions où ces deux rayons-là vont être en phase. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un renforcement, il va y avoir une interférence constructive, un renforcement de la lumière ici, et on peut comme il n'y a pas d'absorption d'énergie, on en déduit que si c'est en phase ici, c'est forcément en opposition de phase ici, et du coup il va y avoir destruction de la lumière, ces deux rayons-là vont se détruire. C'est que la lumière peut détruire la lumière. Bon, donc de ce côté-là, vous n'aurez pas de lumière qui sortira, et de ce côté-là, vous aurez toute la lumière qui sortira, c'est-à-dire toute l'énergie des deux faisceaux incidents qui va sortir de ce côté-là. Bon, alors ça fait de la pression de radiation. La lumière pousse la lame de verre. Une façon de raisonner, c'est de dire qu'il y a des photons qui cèdent leur moment, leur quantité de mouvement au verre. Si la lumière sort par là, la lame va reculer, elle va être poussée par là. Bon, et puis en avançant, elle va arriver à une position où les phases sont différentes, et du coup, ça va être ces deux rayons-là qui vont être en phase, et ces deux-là qui vont être en opposition de phase. Donc à ce moment-là, toute la lumière va sortir par là, et ça va être le contraire, la lame va être repoussée par là. Donc vous voyez que selon la position, elle veut aller par là ou par là, donc il y a un équilibre qui se fait entre les cas extrêmes, et la lame tend en principe à se stabiliser, à se piéger entre deux positions comme ça. Alors, ces positions sont distantes de à peu près un quart de longueur d'onde, ce qui correspond aussi à ce qu'on observerait si on retire la lame et qu'on regarde la lumière dans cette zone-là. Eh bien, on voit des interférences constructives et destructives aussi, c'est ça qu'on appelle les ondes stationnaires. La lumière, en fait, est stratifiée dans cette zone-là par ces ondes stationnaires. Et on peut, une façon de raisonner, c'est de dire qu'en quelque sorte, la lame se piège dans ces ondes stationnaires entre deux plans nodaux. Donc en gros, si on a ces ondes stationnaires là et qu'on apporte une lame et qu'on la lâche, on suppose qu'elle est correctement orientée, qu'elle est bien bisectrice des deux rayons incidents. Eh bien, la lame va bouger un petit peu et elle va se piéger dans l'onde stationnaire la plus proche. Si par contre on lui donne une pichenette et qu'elle part, avec l'élan, elle pourra plus se repiéger à moins qu'on amortisse sa vitesse. Bon. Mais dans notre cas, si on piège des miroirs comme ça, on ne veut pas une série de pièges. On veut un seul piège. On veut un seul piège. Alors pour ça, il faut travailler à plusieurs longueurs d'onde. Par exemple, si votre laser est rouge, vous avez une série de pièges comme ça, non stationnaires comme ça. S'il est bleu, elles sont comme ça. Elles sont plus serrées. Elles sont plus serrées parce que la périodicité, c'est lambda sur 2. La demi-longueur d'onde. Et si vous avez toutes les couleurs à la fois, si vous avez un laser blanc, ça existe maintenant dans le commerce, et vous aurez une superposition en intensité de ces franges bleues, rouges et toutes les couleurs, qui fait qu'à un certain endroit, vous aurez une frange blanche et ensuite des couleurs qui deviennent de plus en plus délavées, de moins en moins contrastées, et qui finissent par vous donner une espèce de blanc quand vous vous éloignez. Et cet endroit où il y a la frange centrale blanche, c'est l'endroit où les trajets de lumière depuis le laser des deux côtés jusqu'ici sont exactement égaux. En fait, à la sortie du laser, il y a une séparatrice, c'est-à-dire une lame qui ressemble à ça, qui envoie la moitié de la lumière d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Et puis vous renvoyez avec des miroirs comme ceci. Et quand les bras sont exactement symétriques, vous avez cette frange centrale blanche. Alors, supposez que le laser soit un laser dont on peut régler la couleur en tournant un bouton, ça existe. Et vous commencez par le mettre en rouge. La lame se piège dans la frange la plus proche. Ensuite, vous tournez le bouton doucement, pour rendre la couleur de plus en plus bleue. Alors les franges se rétrécissent, à mesure que vous tournez le bouton, les franges se rétrécissent, et Du coup, la lame suit sa frange où elle était piégée et donc se rapproche, elle se rétrécit autour de la frange centrale. Et donc la lame se rapproche de la frange centrale. Et en gros, elle fait la moitié du chemin si vous passez du rouge au bleu, puisque la longueur d'onde bleue, c'est à peu près la moitié de la longueur d'onde rouge. Bon, et puis, vous recommencez. Mais alors, brusquement, vous passez au rouge, et puis doucement, vous passez du rouge au bleu. À ce moment-là, la lame, à nouveau, fait la moitié du chemin vers la frange centrale, etc. Vous recommencez un grand nombre de fois, et donc, en quelque sorte, vous pompez la lame, vous l'attirez vers la frange centrale. Alors ça n'a pas encore été essayé, mais sur le papier, on a l'impression que ça devrait marcher. Alors, quel genre de membrane ? Alors, celle qu'on trouve dans le commerce, c'est du nitrocellulose, c'est-à-dire du collodion, c'est-à-dire du vernis à ongles, en gros. Le vernis à ongles, c'est ça. Mais alors, le problème, c'est que c'est explosif. Je ne sais pas si les gens qui utilisent du vernis à ongles savent que c'est explosif, mais et c'est instable dans l'espace avec les ultraviolets, etc. Ça risque de se décomposer. Bon. Pierre Rio, qui est un ancien de l'équipe, m'a suggéré de prendre des membranes de diamant. Lui, il en utilise dans son laboratoire. Et ça ne coûte pas très cher, c'est parce que ce n'est pas monocristallin, c'est des petits cristaux. C'est fait en déposant du carbone sur du silicium et en retirant le silicium après. Et alors, il a calculé que si on choisit l'épaisseur de la membrane, pardon, 1 micron 45, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être très épais ce genre de membrane, c'est pas très lourd, extrêmement mince. Et en diamant, c'est quand même suffisamment solide, pour qu'on puisse en faire quelque chose, utiliser. Bon, alors il a calculé le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Alors en rouge, ça doit être la transmission et en bleu, ça doit être la réflexion. Ça va de 0 à 1. Et alors, selon la longueur d'onde, là c'est 0,6 microns, c'est du jaune. Là c'est 0,8, c'est du rouge. Là c'est de l'infrarouge, 1 micron. Selon la longueur d'onde, ces coefficients varient à cause de l'effet d'interférence des rayons qui sont réfléchis sur les deux faces. Une lame comme ça, chaque face réfléchit de la lumière, les deux rayons réfléchis interfèrent. Et selon l'épaisseur de la lame, ça fait des interférences constructives ou destructives. C'est pour ça qu'on a ces variations de réflectivité. Mais vous voyez qu'à certaines longueurs d'onde, la réflexion et la transmission sont pratiquement égales, ici 0,5. Et donc, ça satisfait à la condition pour avoir des bonnes conditions de piégeage. Alors, on peut envisager de piéger axialement, comme ceci, mais il faut aussi piéger transversalement. Il ne faut pas que la lame se sauve sur le côté. Alors, vous savez que si on met une balle de ping-pong sur un jet d'eau, elle se piège, elle monte un peu plus ou moins axialement, mais elle est piégée transversalement aussi. Elle reste sur son jet d'eau. Elle ne part pas sur le côté parce que dès qu'elle dévie un petit peu, ça la ramène au centre. Bon, alors on peut faire un peu la même chose ici. Si votre rayon de laser, si votre faisceau de laser, il couvre à peu près le diamètre de la lame, et si c'est une membrane avec un cadre ici, si ce cadre est transparent et de forme un peu prismatique comme ça, à ce moment-là, le rayon laser là va être dévié comme ceci. Et on montre facilement qu'à ce moment-là, la composante de pression de radiation qui apparaît, qui est comme ceci, et de l'autre côté, ça va être comme ceci, est telle que si la lame se décale latéralement, ça tend à la ramener. Vu de face, vous avez le faisceau laser là, vous avez la lame là, si elle est décalée, apparaît une composante de pression de radiation, une force sur la lame qui la recentre. Oui, voilà donc le trajet d'un rayon de laser, la force de pression de radiation qui est comme ceci, et si la force est plus forte de l'autre côté, parce que l'autre côté est plus éclairé par le laser, à ce moment-là, ça ramène. Alors, on peut aussi regarder l'attitude aussi, c'est-à-dire l'inclinaison de la lame. Alors là, on voit que si les faces ici sont un peu réfléchissantes, une partie de la lumière va être réfléchie, la lumière du laser va être réfléchie comme ceci, la force de radiation va être comme ceci, et on devine qu'elle est assez sensible à l'inclinaison de la lame. Si on incline la lame, celle-là va diminuer, l'autre de l'autre côté va augmenter, et ça tend à redresser. À redresser au moins grossièrement. Et une fois que c'est grossièrement redressé, à ce moment-là, l'effet des ondes stationnaires sur la membrane elle-même tend à continuer à redresser. Alors ça n'a pas été vérifié encore, c'est ce qu'on voudrait faire maintenant. Alors, un autre point important, c'est qu'un système comme ça, ça oscille. Ça oscille s'il n'y a rien qui absorbe l'énergie. Alors, il faut absorber un peu d'énergie. Alors, on peut imaginer de fixer au bord des micro-cerises. Voilà, une micro-cerise, ça ressemble à une cerise. Ça a une queue flexible, mais pas élastique. Il ne faut pas qu'elle soit élastique, il faut qu'elle soit inélastique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit partiellement élastique. Il faut que la flexion absorbe un peu d'énergie. Bon, et à ce moment-là, on peut montrer que si on secoue le truc, ça tend à s'amortir. Si vous arrive de voir une branche de cerisier bien garnie de cerises, vous la secouez, vous verrez que ça s'amortit très vite. Et si vous retirez les cerises, vous verrez que ça s'amortit beaucoup moins bien. Bon, on peut aussi imaginer que la membrane elle-même soit un peu flexible, inélastique. Et puis, on peut penser à faire un système d'amortissement optique. Alors, vous savez qu'on piège des atomes dans des faisceaux de laser, dans des ondes stationnaires de laser, avec grand succès, et qu'on arrive ainsi à réduire leurs oscillations dans des proportions extraordinaires, ce qui leur donne une température équivalente de 1 millième de Kelvin. Il y a toute une équipe à l'école normale tout près d'ici qui s'est illustrée dans ce domaine. Et une différence, c'est que les atomes en question sont des atomes de sodium ou de rubidium qui ont des raies spectrales de résonance, c'est-à-dire des raies extrêmement fines. Et c'est grâce à ces raies extrêmement fines que les oscillations sont amorties. Sont amorties parce que lorsque ça bouge, par effet Doppler, les rayons diffusés ou réfléchis sont légèrement décalés spectralement en longueur d'onde, et donc la lumière n'est plus absorbée par l'atome, et donc c'est très sensible, l'absorption et la diffusion par l'atome sont très sensibles à son mouvement, à sa vitesse, et ça crée un terme d'amortissement qui permet de réduire les oscillations. Alors ici, nous n'avons pas de raies spectrales, de réponses spectrales très très fines comme les atomes, mais on peut essayer de créer une cavité résonante, genre Fabry-Perot, genre cavité de laser, qui a un peu les mêmes propriétés qu'un atome de rubidium de ce point de vue-là, en ce sens que dans cette... Alors ici, vous avez une cavité, vous mettez un miroir ici, vous essayez de faire rentrer la lumière du laser dans la lamelle en gravant à la surface de la lamelle un réseau de diffraction, cette espèce de rayure extrêmement fine qui permet à la lumière d'être diffractée à l'intérieur de la fibre. Alors ça existe déjà, il y a des fibres optiques qui fonctionnent comme ça, il y a des petits lasers, des diodes lasers qui fonctionnent comme ça, ça s'appelle des lasers DFB, contre-réaction distribuée. Et si vous arrivez à créer cette résonance dans la lame fonctionnant comme une cavité, et si vous changez un tout petit peu la longueur d'onde du laser, ici, la résonance sera différente. Et on peut se rapprocher un petit peu de ce qui se passe dans un atome résonant. En ce sens que si la longueur d'onde du laser est fixe, mais que la lame se déplace légèrement, elle va, par effet Doppler, avoir l'impression que la longueur d'onde du laser change un petit peu, et donc ça va changer la condition de résonance, et donc ça peut éventuellement créer un terme d'amortissement qui va amortir les oscillations de la lame. Bon, alors ça n'a pas encore été essayé sous cette forme-là, mais on va essayer de voir si c'est viable. Bon, alors, supposons qu'on arrive... Oula, il y a un miroir qui s'est sauvé, là. Le piégeage n'était pas efficace. Alors, supposons qu'on arrive à vérifier en laboratoire qu'on arrive à piéger des petits miroirs comme ceci. Pour faire une flottille comportant des milliers ou des dizaines de milliers de petits miroirs, une flottille de 100 km par exemple, comment ferait-on ? Eh bien, en gros, on prendrait un laser ici, et on mettrait par exemple une séparatrice ici, c'est-à-dire la lame qui envoie la moitié de la lumière par ici, l'autre moitié par ici. Celle-ci arrive sur, par exemple, un petit miroir convexe ici, qui fait une onde divergente, qui envoie la lumière du laser sur le miroir géant ici, miroir géant dilué ici. Bon, et puis de l'autre côté, l'autre moitié de la lumière arriverait ici sur un autre miroir convexe qui éclairerait à peu près uniformément par derrière. Bon, et on s'arrangerait en positionnant la séparatrice ici. On peut s'arranger pour que la frange centrale soit où on veut, bon, par exemple ici. Si, et on peut, alors en gros, elle va être hyperbolique. Si les deux sources apparentes, là, vues d'ici, sont ponctuelles, la frange va être hyperbolique. On préférerait qu'elle soit parabolique, parce qu'un miroir parabolique, ça focalise directement la lumière parfaitement. La lumière de l'étoile, la voici en jaune. Si le miroir est parabolique, sa lumière sera focalisée à peu près ici, sur une caméra. Bon, alors pour que ce soit exactement parabolique, on peut jouer sur la forme de ces deux miroirs pour transformer l'hyperbole en parabole, il faut légèrement les déformer. Bon. Bien entendu, on ne veut pas gaspiller la lumière du laser entre les petits miroirs qu'on va piéger là. On veut éclairer seulement les petits miroirs. Et les petits miroirs, bien que très nombreux, ils vont quand même être très espacés, par exemple 10 mètres, 100 mètres entre eux. Plus on a, mieux c'est. Moins ils sont espacés, mieux c'est. Mais on ne va pas pouvoir en mettre une quantité infinie. Il vaut mieux avoir l'ouverture la plus grande possible, quitte à ce qu'elle soit mal remplie, plutôt qu'une ouverture petite et bien remplie, du moins si on veut faire de la haute résolution. Le but étant de voir des détails fins sur les étoiles, il faut de la haute résolution, donc on cherche plutôt à avoir une grande flottille, même si elle est mal remplie. Bon. Alors, donc chaque rayon de laser, il faut qu'il soit relativement étroit, ici, qui couvre à peu près juste le diamètre du miroir, comme sur le dessin, là. Et d'autant plus que c'est ça qui va permettre au miroir de se centrer sur le rayon. Alors, comment faire ça ? Il suffit de rajouter quelque part par ici, là, une petite trame de micro-lentilles. Bon, ça se trouve chez le marchand du coin. C'est une feuille de plastique moulée sur une matrice de petites lentilles très, très petites. Ça doit coûter $1. Et magiquement, ça vous transforme votre faisceau large de laser ici en une espèce d'éventail. C'est d'éventail de faisceaux minces. Bon, donc sur le papier, il n'y a pas de problème. Évidemment, en pratique, le diable se niche dans les détails, comme disaient les anciens. Alors déjà, où est-ce qu'on va le mettre dans l'espace ? Eh bien, un endroit intéressant, c'est le point de Lagrange L2. Vous avez la Terre ici, vous avez le Soleil très loin par là. Vous avez l'ombre de la Terre ici, et le point de Lagrange L2, il est à peu près à 1 500 000 km de la Terre, et c'est l'endroit où se combinent la gravité, l'attraction de la Terre et celle du Soleil pour créer une position stable. C'est-à-dire ce point tourne avec la Terre et reste toujours dans l'ombre. Et si on met un objet là, en principe, il ne bouge pas. Il a une position plus ou moins stable là. En réalité, c'est stable dans une direction, mais pas dans l'autre. Mais enfin, disons, le gradient de gravité, la gravité est extrêmement lisse et homogène dans cette région-là. Il y a très peu de gradient de gravité, c'est-à-dire très peu d'effet de marée. L'effet de marée, c'est dû au gradient de gravité. Bon, donc c'est un endroit favorable pour mettre une flottille où il y aura très peu de forces perturbatrices qui vont tendance à faire éclater la flottille. Bon, par contre, le laser, lui, on aimerait bien qu'il reçoive la lumière du soleil pour alimenter ses photopiles qui vont alimenter le laser. Donc le laser, il faut le mettre un peu plus loin, en dehors de l'ombre, à quelques milliers de kilomètres. Bon, mais ça, a priori, ce n'est pas un problème. Et les miroirs, eux, seront dans l'ombre. L'ombre n'est pas totale, elle est 80% totale, à peu près. Et ce qui est favorable aussi pour que les miroirs soient assez froids. Assez froid et donc puisse être utilisable dans l'infrarouge. Alors, combien faut-il de gros satellites ? Alors, évidemment, chaque petit miroir, c'est un nanosatellite. Et ce qui fera plaisir aux agences spatiales, c'est que c'est des satellites qui seront beaucoup moins chers que tous les satellites qu'ils ont construits jusqu'à présent. Du moins, si on arrive à les produire en série, en grande série, par moulage ou autre méthode. Mais il faudra quelques gros satellites. Alors, il en faudra un avec le laser, ici. Et puis, on va essayer de mettre sur le même satellite une partie de l'optique, la séparatrice, par exemple. Voilà la séparatrice. Et puis, l'autre satellite, il en faut un ici qui portera la caméra. Et puis, on va aussi lui mettre une partie de l'optique. On va mettre le deuxième miroir, qui sera un peu en avant. Et si on fait ça, évidemment, on n'a plus l'égalité des chemins optiques, parce que la séparatrice est là, et ce trajet-là va être plus long que ce trajet-là. Bon, mais il y a deux solutions possibles. L'une, c'est de mettre une ligne à retard optique ici sur ce faisceau-là, c'est-à-dire un système de miroir où il y a des allers-retours multiples pour faire perdre du temps à la lumière, en quelque sorte. Et une autre solution, c'est de, puisque ce laser, il va changer de couleur du rouge au bleu, et ben on peut en profiter pour le faire changer par saut, calculé de telle façon qu'il n'y ait plus besoin de ligne à retard, telle façon que les franges se trouvent au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être la meilleure méthode. C'est ce qu'on appelle une ligne à retard virtuelle. Alors, nous entamons des essais en laboratoire. J'avais fait un premier montage avec une cuve à vide, une enceinte à vide, là, qui était une bouteille de jus d'orange, deux fenêtres optiques collées, et un petit miroir suspendu à un fil extrêmement fin, et un interféromètre, donc un laser, une séparatrice, un miroir, pour faire des interférences ici. Et alors les interférences, bon, ça marche, il n'y a pas de problème. On voit dans le faisceau réfléchi, on voit les franges d'interférence, ça c'est assez facile à faire. Mais un montage plus costaud est en cours de construction. Maintenant, par nos collègues de Sofia Antipolis, Umberto Bortolozzo et Stefania Residori, qui ont construit une chambre à vide avec une suspension, ça c'est le petit miroir, et un système de suspension extrêmement sensible, utilisant le principe des sismographes. Dans un sismographe, on a une masse qui est suspendue à une ficelle, mais idéalement, il faudrait que la ficelle fasse 10 km de long pour que ce soit bien sensible. Et c'est encombrant, une ficelle qui fait 10 km de long. Alors, les sismographistes ont inventé une astuce qui consiste à faire ce qu'ils appellent une porte de jardin. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une porte de jardin dont les deux charnières, dont l'axe de rotation, ne soit pas tout à fait vertical, soit très légèrement incliné. Eh bien, ça rend beaucoup plus sensible le moindre effort latéral, le courant d'air, par exemple, fait balancer la porte beaucoup plus que si c'était un pendule. C'était suspendu à un fil. Ce mécanisme donne l'équivalent d'un. Alors, en réglant l'angle par rapport à la charnière par rapport à la verticale, on peut ajuster la longueur du pendule équivalent, faire 1 km, 10 km, et donc avoir une très grande sensibilité. Donc, ils ont construit un système comme ça, avec un petit miroir, une espèce de bras d'appui ici, et le miroir se balance de façon extrêmement sensible sous l'effet de forces très faibles. Et le but ici est de voir de combien il se déplace quand on allume le laser sous l'effet de la pression de radiation. Et si on change la phase dans l'un des deux faisceaux, par exemple en déplaçant la séparatrice qui doit être quelque part par là, et bien normalement, lui doit se déplacer aussi. Alors, il faut un vide relativement poussé pour éviter que le choc des molécules d'air sur le miroir perturbe la force extrêmement faible de la pression de radiation. Ils ont un laser à argon relativement costaud qui émet 4 longueurs d'onde et qui donc va permettre de tester, en masquant les longueurs d'onde, va permettre de tester le principe d'essayer de piéger sur la frange blanche. Et ils avaient d'utilisation de ce qu'on appelle la lumière lente pour faire des mesures de déplacement extrêmement sensibles, et ils vont utiliser ça pour ça. Donc on saura bientôt si ça se comporte comme le prévoient nos calculs. Bon, mais pour vraiment essayer tout ça, il faudrait être en microgravité dans l'espace. Il y a une possibilité sur la Station Spatiale Internationale pour laquelle la NASA cherche des utilisations. Si vous avez des choses à leur proposer, n'hésitez pas. Ça a coûté très cher et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'utilisations. Alors, l'Europe a construit ce laboratoire Columbus où on peut aller en manche de chemise. Et où il y a des racks pour mettre des expériences. Et certains de ces racks sont reliés à l'extérieur par un tuyau pour que le vide extérieur rentre. Et donc, on pourrait envisager de faire une petite manip dans un de ces racks. Et il se trouve que Umberto Bortolozzo avait précédemment eu l'occasion de faire des expériences d'apesanteur dans des avions en piqué. Vous savez, on fait des expériences de physique dans des avions qui piquent, ça ne dure pas très longtemps, et on en profite pour voir l'effet de l'apesanteur. Et il dit qu'il serait candidat pour aller dans le laboratoire Columbus. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je parlerai de ce qu'on pourrait essayer d'observer avec ces engins, et en particulier comment faire en pratique une flottille qui fasse 100 km et qui permette de faire ce genre d'image d'une Terre à 10 années-lumière. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.